Vous êtes à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonsoir, ici Sophie Laforêt qui va vous accompagner jusqu'à 19h, c'est-à-dire pour la prochaine heure. Ce soir à l'émission, on aura droit encore une fois à des blocs musicaux variés parce que à Chérie, m'écoutes-tu? On écoute toujours de la musique variée et diversifiée. Et avec quelques nouveautés parfois. Et ce soir, on va entendre entre autres Bad for Lashes, un extrait de leur nouvel album. Navet Confit, Matrix, un extrait également de leur nouvel album. Et La Pater Rose, ainsi que plusieurs autres groupes et artistes diversifiés toujours. Et je vous rappelle que pour consulter la liste des pièces qui vont jouer à l'émission de cette semaine, vous vous rendez sur le www.myspace.com/ C'est fou, chérie, sans accent. Et vous allez pouvoir également écouter la balado-diffusion dès demain, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission au complet aujourd'hui. Alors, toutes ces possibilités sont offertes juste pour les auditeurs de Chérie m'écoutes-tu. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook si vous voulez être à l'affût des nouveautés et des émissions spéciales de Chérie m'écoutes-tu. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec un bloc franco et anglo. C'est mélangé ce soir et on va commencer tout d'abord avec Danny Placard avec ce bloc folk country sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Après deux jours de route dans le désert, t'es mis à penser à ta mère. Les tempêtes pis les bonnes neiges commençaient à te manquer. T'avais rien que le goût d'or viré. Tu comptes en mille les jours qui s'éloignent. En arrière du trailer de ton truck, c'est bien beau les États-Unis, mais tu t'ennuies de ta femme et puis de tes petits qui t'attendent à Chicoutimi. Le rêve et puis le Mexique. Pendant que le lift dès l'autre ton truck, tu leur expliques. Avec ton anglais qui boite, tu leur dis de faire ça vite. Parce que tu veux sacrer le candidite. Le soleil vient de mourir, tu peux enfin partir. La fatigue se fait sentir, et puis l'ennui te fait souffrir. Tu sors tout ce qui traîne comme photo dans le fond de ton portefeuille. Habiter étale à côté de toi sur le siège du Alpha. Les lumières du Dash viennent éclairer ce qui compte le plus pour toi. Tes trois enfants et puis ta femme. Gagner.

c'était la formation avec podcast, avec une pièce inédite qui s'intitule « Redite », qui est disponible sur leur site web. Elle ne fait partie d'aucun de leurs albums. Donc, si vous voulez télécharger cette pièce gratuitement, vous vous rendez au www.avecpasdecasque.com. Et leur nouvel album « Dans la nature jusqu'au cou » est maintenant disponible. Et avec podcast, qui est un groupe de folk rock du Québec. Tout juste avant, nous avions Chad Van Galen avec la pièce « Willow Tree, de l'album Soft Airplane. Il s'agit d'un auteur-compositeur-interprète originaire de Calgary, en Alberta, au Canada. Et il fait dans la musique indie rock. Mais je trouve que cette pièce-là est plus folk country, en fait, ce qu'on a entendu. Et en fait, Chad Van Galen, qui faisait entre autres la partie de la chanteuse canadienne Feist au cours de sa tournée au Canada. Au début de ce bloc, nous avions Danny Placard avec la pièce « Désert » de son album « Raccourci ». Et Danny Placard, qui est lui aussi un auteur-compositeur-interprète de folk rock country. Et il y a sur son profil MySpace quelques dates de ses prochains spectacles. Et entre autres, le 8 mai, il sera à la Sala Rosa de Montréal. Il sera également à Mascouche avec Yesterday's Ring. Et finalement, on voit sur son MySpace qu'il y a une date le 20 novembre prochain en France. Donc, en fait, j'ai bien hâte de voir comment il va être reçu là-bas, parce qu'on sait que, bon, comment je pourrais dire, Danny Placard n'utilise pas le français le plus international qui soit, mais je suis convaincue que sa musique saura plaire à nos amis français. Et c'est ce qui complète ce bloc folk rock country. Et on va se diriger du côté un peu plus rock indie ambiant. Tout d'abord avec la formation britannique Bat for Lashes. Donc on écoute ça sur les ondes de CIFU 89.1 FM. No, my darling, I can't stand to sleep alone. No, sweetheart, dark to call my own. You're my own, you're my own. I can sing it, I can groan. That darkness is a stranger, and I'm lonely, lonely, lonely, alone. Last night's parties and last night's horror show. Smiling and whirling and kissing all I know. Give my soul, sing it free across. to do? Ladies, ladies, ladies, you know what they say. On vient d'entendre l'auteur-compositrice-interprète Alina Arlova avec la pièce Lio de son album. Et là, je vais vous demander de m'excuser, d'excuser mon lituanien, Lokinis Suodingo. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est une chanteuse lituanienne et il s'agit de son premier album. J'aime vraiment ce que j'ai écouté pour l'instant de cet artiste-là qui était en fait auparavant une artiste peintre qui s'est récemment mis au piano, tout ça à l'âge de 21 ans. Alors, il y en a qui ont du talent et je peux dénoter certaines ressemblances avec Regina Spektor, pour ceux qui connaissent, qui est une auteure-compositrice-interprète américaine mais originaire de Moscou. Puis, je dirais que Regina Spektor est peut-être plus dans le pop. Pour l'instant, de ce que j'ai entendu de Alina Arlova, je vous dirais que c'est peut-être, je sais pas comment expliquer, peut-être plus folk, plus ambiant, moins pop. Là, il y a moins de rythme accrocheur, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, c'est une belle découverte. Si vous voulez en entendre plus, vous pouvez vous rendre sur son MySpace. Et pour ceux qui connaissent le site Last FM, vous pouvez télécharger des pièces gratuitement également. Avant cette pièce dans le bloc, on avait The Darling de Maz avec la pièce Girl Soldier, de l'album A User's Guide to Raising the Debt, Songs of Spring, qui est une formation montréalaise qui fait dans l'indie rock. On sent encore là des influences. Je commence à écouter cet album-là, ça fait pas très longtemps. Je vais essayer de méditer là-dessus pour voir vraiment à quoi ça ressemble, mais c'est quand même vraiment un groupe à découvrir. Puis notamment, ils ont certaines dates à l'horaire. Le 7 mai, c'est-à-dire ce jeudi, ils seront à Sherbrooke au Téléphone Rouge. Le 30 mai, ils seront au Patrovie de Montréal. Et ensuite, ils nous quittent pour deux spectacles, en fait, le 6 juin et le 7 juin en Ontario. Et c'est une formation, comme je le mentionnais, qui est à découvrir. Moi, je connaissais pas vraiment ce groupe. Puis, c'est une belle découverte. Ça s'écoute très bien. Puis, si vous avez aimé la pièce qu'on a entendue, je vous dirais que l'album ressemble à ça, quoique des pièces très différentes aussi. C'est un album surprenant. Alors, je vais vous laisser compléter cette description lors de votre propre écoute. Et au début du bloc, nous avions la formation britannique Bat for Lashes avec la pièce Sleep Alone de son dernier album Two Sons. Et pour ceux qui ont aimé le premier album de Bat for Lashes, vous devez absolument écouter celui-là, qui est son deuxième album. Et moi, j'ai vraiment adoré le premier album. Le deuxième album, je vais encore devoir écouter là à quelques reprises cet album-là, mais pour l'instant, de ce que j'ai entendu, et notamment cette pièce-là, Sleep Alone, qui est vraiment une pièce excellente. Si vous aimez, je vous invite à découvrir Bat for Lashes. Et donc, nous allons nous quitter pour une courte pause, mais avant, je vous mentionne encore une fois que vous pouvez consulter le profil MySpace de Chérie M'écoute-tu au www.myspace.com/c'est fou chérie pour consulter la liste des pièces qui ont joué à l'émission et pour avoir des clips, entre autres, et des pièces à écouter qui sont tout à fait agréables à l'écoute. Et vous allez aussi avoir le lien vers les artistes, en fait, vers les profils MySpace des artistes qui ont joué ce soir. Donc, on se quitte pour une courte pause et au retour, nous allons revenir avec un bloc rock franco et anglo sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. like a hammer. La formation montréalaise La Patère Rose de leur album éponyme. Et puis La Patère Rose qui est une nouvelle formation toute récente, et ça, cette pièce-là provient de leur récent album éponyme, comme je l'ai mentionné. Et ils font, en fait, c'est les deux gars de Mister Valère, avec Fanny Grosjean qui compose ce groupe qui est rafraîchissant. Moi, ça me plaît bien. J'aime beaucoup comment ils utilisent, en fait, là, autant les rythmes que la voix de la chanteuse. Je dirais qu'au début, on aurait pu se dire, bon, ça fait un peu cœur de pirate, peut-être. Pas la musique, mais je veux dire la voix de Fanny. Mais finalement, avec les arrangements, pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus vivant et je pense que j'apprécie davantage ce groupe. Et tout juste avant, nous avions Matrix, la formation canadienne Matrix, de leur nouvel album Fantasies, qui est paru le 7 avril dernier avec la pièce Help, I'm Alive. Et vous pouvez télécharger cette pièce version acoustique sur leur site, soit le www.ilovematrix.com. Et au début du bloc, nous avions Nave Confit, qui fait dans le rock psychédélique et rock folk psychédélique, avec la pièce Aujourd'hui de son plus récent album du nom de LP2. C'est ce qui complète ce bloc plus vivant. Et on va se diriger vers un bloc que je chéris particulièrement ce soir. Chérie, comme chérie, m'écoutes-tu? Et c'est un bloc, en fait, de trois dames qui sont des légendes, des classiques de la musique rock. Et je me garde ce soir parce que je pense que souvent on fait jouer plutôt de la musique récente et on oublie qu'il y a des gens derrière tout ça ou des influences qui sont là depuis longtemps. Donc, le bloc qu'on va entendre, c'est un bloc de rock, comme je le disais, avec trois interprètes féminines. On va entendre Patti Smith, ensuite on va entendre Marianne Faithfull et finalement Nico. Donc on va commencer tout de suite avec Patti Smith avec la pièce Dancing Barefoot sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. «

heart strung me fast. Fear sure built into every wall. Looking hard through the glass. Fear sure built in with every wall. There's a knock at the door. I get up, let you in. Traveled and stayed, soaked to the skin. Welcome, my darling. You got here at last. Come and sit by the fire. Forget what's past. Built into every wall. Looking hard through the glass. Fear sure built in with every wall. Looking out at the rain. Looking in through the storm. Looking back, looking forward. Flying up, flying down. What have you found? So I've been losing these days I sit on cornerstones and count the time in quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten. On vient d'entendre la pièce These Days de la chanteuse Nico, qui est une chanteuse allemande qu'on a connue en fait dans la formation de Velvet Underground, elle chantait auprès de Lou Reed dans cette formation sur le premier album qui s'appelait The Velvet Underground and Nico. Mais la pièce qu'on a entendue, ça vient de l'album Chelsea Girl de Nico, justement son album solo. Et c'est, comme je l'ai mentionné, un bloc de chanteuses classiques du rock. Donc Nico, qui est une, comme je l'ai mentionné, une chanteuse allemande qui est née dans les années 30, fin des années 30, et qui est décédée en 88. Et tout juste avant Nico, nous avions Marianne Faithfull avec la pièce So Sad de son album Dangerous Acquaintance. Et Marianne Faithfull, qui est une chanteuse britannique des années 40, donc un peu plus tard après Nico, dans les années donc 46 exactement. Et Marianne Faithfull, qui a connu une très grande carrière, qu'on a connue aussi parce qu'elle a fréquenté Mick Jagger des Rolling Stones. Et avant, au début de sa carrière, c'était un peu comme une Brigitte Bardot. Elle chantait des choses assez légères et puis là, elle est sombrée dans l'enfer de la drogue. Et quand elle est revenue, elle est tombée dans des registres beaucoup plus rock, beaucoup plus underground, beaucoup moins accessible et beaucoup plus vulgaire aussi. Vous pouvez écouter son album Broken English, qui est son meilleur album et son album classique. Et au début de ce bloc, nous avions Patti Smith, qui elle aussi est une légende féminine du rock, qui elle est née en fait la même année que Marianne Faithfull et encore plus le lendemain. Donc, elle est née également en décembre 46 et elle est originaire des États-Unis. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Dancing Barefoot de son album Wave. C'est ce qui complète ce bloc classique. Et on va se quitter avec une pièce électro, une pièce un peu plus vivante. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter le profil MySpace de Chérie M'écoute-tu pour connaître les pièces qui ont joué à l'émission de ce soir, soit le www.myspace.com/c'est fou chérie. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on se quitte avec la formation belge Vive la fête, avec une pièce vraiment vivante. Donc, on entend ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.